Aujourd'hui, je me suis installé au musée d'histoire allemande à Berlin pour ce deuxième volet que le Dessous des cartes consacre à la guerre de 14-18, ou plus exactement, non pas à la guerre elle-même, mais aux facteurs qui ont conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale. On a vu que les rivalités entre les nations européennes étaient très profondes sur le plan politique, économique, commercial, maritime, colonial. Aujourd'hui, nous allons voir comment chacune de ces nations a mis en place un système militaire d'alliance défensif. Voici l'Europe en 1871, c'est-à-dire au lendemain de la victoire de la Prusse sur la France et de la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. La France a perdu l'Alsace-Lorraine et le chancelier Bismarck cherche à protéger le nouvel État allemand d'une possible revanche de la France. Pour cela, il se rapproche de son ancien adversaire, l'Autriche-Hongrie, et en 1873, l'Allemagne signe un premier accord international dit « Entente des Trois Empereurs » avec l'Autriche-Hongrie et la Russie. En 1882, une nouvelle alliance voit le jour, intégrant l'Italie mais excluant cette fois la Russie, car les ambitions et les manœuvres de Saint-Pétersbourg dans les Balkans, tout comme ses visées sur les détroits turcs, sont en opposition avec les intérêts de Vienne. La position de l'Italie, qui participe à cette triple alliance, est ambiguë. D'une part, Rome s'oppose à Vienne à propos des terres dites irrédentes que sont le Trentin, la Vénétie julienne et la Dalmatie. Mais d'autre part, l'Italie dépend financièrement de la France puisque la bourse française détient 60% de sa dette extérieure. En 1902, les deux pays signent un accord secret qui prévoit la neutralité de l'Italie en cas d'attaque allemande sur la France. Et en 1914, lorsque la guerre éclatera, l'Italie décidera de rester neutre, du moins dans un premier temps. La formation de cette triple alliance entraîne la formation d'un second bloc opposé. En 1907, nous voici avec la Triple Entente. Le Royaume-Uni et la France ont signé un accord, auquel est venue s'adjoindre la Russie, car Londres s'inquiète de la montée en puissance de la flotte de guerre allemande sous l'impulsion de l'amiral Alfred von Tirpitz. À la veille de la guerre, l'Angleterre dispose de 31 dreadnoughts, cuirassés dont la puissance surpasse alors tous les autres navires de guerre. L'Allemagne en a 20, la France 7, l'Autriche-Hongrie 4, la Russie 4. Voici donc ces deux systèmes d'alliances qui se font face en Europe en 1914. D'un côté, la Triple Alliance, à laquelle on peut associer l'Empire ottoman, allié de l'Empire allemand dont il dépend financièrement, mais aussi la Roumanie, la Bulgarie, qui se sentent menacées par les visées russes en direction des détroits turcs. Et puis de l'autre côté, la Triple Entente, à laquelle on peut associer la Serbie, un pays slave protégé par la puissance russe. Cette configuration d'alliance se double d'une course aux armements. Entre 1870 et 1914, les dépenses militaires des puissances européennes ont augmenté de 300%. Et en août 14, lorsque la guerre éclate, le nombre de soldats et de réservistes s'élève dans la Triple Entente à près de 11 millions d'hommes et dans la Triple Alliance à près de 9 millions d'hommes. La France et l'Allemagne élaborent aussi des plans militaires. Côté allemand, c'est le plan Schlieffen, formulé en 1905, puis adapté jusqu'en 1914, et ce plan mise sur une mobilisation très lente de la Russie, du fait de son étendue géographique et de l'insuffisance de ses infrastructures de transport. C'est pourquoi il prévoit une concentration des forces allemandes sur le front ouest pour une attaque rapide contre la France, en violant la neutralité de la Belgique et du Luxembourg. Ceci dans le but de neutraliser au plus vite l'armée française et de pouvoir ensuite se retourner contre la Russie. Au contraire, le plan français, dit plan 17, conçu en 1913, prévoit de concentrer les troupes françaises à l'est afin de bloquer les troupes allemandes et de récupérer l'Alsace-Lorraine. Il compte sur une attaque allemande rapide contre la Russie et ne prend pas en compte l'hypothèse d'un assaut contre la France passant par la Belgique. Ces deux plans commencent à être mis en œuvre, tandis que les tensions montent entre la France et l'Allemagne, du fait des rivalités coloniales, notamment sur le dossier marocain. Alors que se passe-t-il? En 1905, le sultanat du Maroc est l'un des derniers territoires d'Afrique du Nord qui n'est pas sous domination européenne. La France envisage d'y établir un protectorat, mais l'Allemagne refuse la perte de ce marché colonial et des enjeux commerciaux et douaniers qui s'y rattachent. En somme, elle veut avoir sa part de conquête coloniale. Eh bien, cela débouche sur une première crise cette même année, lorsque Guillaume II visite Tanger, y rencontre le sultan Abdelaziz, et il déclare que le Maroc doit rester libre et indépendant, et qu'il est prêt à entrer en guerre si la France ne renonce pas à ses ambitions marocaines. Une autre crise a lieu encore en 1911, lorsque l'Allemagne envoie la canonnière SMS Panther dans la baie d'Agadir. Après de longues négociations entre la France et l'Allemagne, un accord diplomatique est trouvé entre les deux pays. L'Allemagne accepte les prétentions françaises sur le Maroc. Eh bien, vous voyez, sur cette loupe, la cession de territoire français en Afrique équatoriale au profit d'un Cameroun allemand. Et en 1912, le protectorat français est finalement instauré sur le Maroc. Eh bien, les ambitions européennes sur le Maroc sont un peu le symbole des enjeux de cette période. Mais lorsque la guerre éclate quelques années plus tard, ce ne sera pas du fait des rivalités coloniales, mais à cause du dossier des Balkans. Voici une carte des Balkans en 1911, avec au sud l'Empire ottoman, la Grèce, indépendante de l'Empire ottoman depuis 1830, le royaume de Serbie depuis 1882, le royaume de Bulgarie depuis 1908, le royaume du Monténégro depuis 1910 et l'Autriche-Hongrie qui a annexé la Bosnie et l'Herzégovine en 1908. Dans les Balkans, les conflits et les affrontements entre minorités ethniques se multiplient, et cela dans un contexte marqué par la lutte d'influence que se livrent la Russie et l'Autriche-Hongrie autour de cette région. Les Bulgares, les Serbes, les Grecs, les Monténégrins s'allient alors pour prendre la Macédoine à l'Empire ottoman, autrement dit pour évincer l'Empire ottoman de ses dernières possessions européennes. C'est l'origine de la première guerre balkanique qui éclate en octobre 1912. En mai 1913, à l'issue de la première guerre balkanique, les frontières ne sont pas officiellement fixées, mais on voit ici les gains territoriaux des pays vainqueurs. Et de plus, les frontières d'un nouveau pays, l'Albanie, sont tracés, mais son territoire est occupé par les Monténégrins, les Serbes et les Grecs. En somme, l'Empire ottoman perd la majeure partie de ses territoires européens. Mais le partage des terres conquises entre les vainqueurs est difficile, en particulier le partage de la Macédoine revendiqué par une Bulgarie qui s'estime lésée. Une deuxième guerre balkanique éclate en juin 1913 contre la Bulgarie cette fois. Les Bulgares se retrouvent seuls contre leurs anciens alliés, Serbes, Grecs, mais aussi la Roumanie et l'Empire ottoman, coalisés. En août 1913, à l'issue de la deuxième guerre balkanique, on voit les gains territoriaux. La Bulgarie, défaite, doit laisser la Grèce et la Serbie se partager une grande partie de la Macédoine. La Serbie, sortie vainqueur des deux guerres balkaniques, devient la première puissance régionale des Balkans. En somme, si je résume, ce qui est évidemment impossible, on a des conflits entre États récents, des conflits entre empires finissants, des conflits de minorités et des nationalismes. Ainsi, les Balkans concentrent tous les éléments de tension non maîtrisables. Et de fait, c'est dans ce contexte qu'intervient l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, dont le mobile se fonde sur tous ces facteurs de tension. L'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné avec son épouse par un Serbe de Bosnie, opposé à l'occupation autrichienne. L'Empire austro-hongrois met en cause la Serbie, lui adresse un ultimatum avec l'assentiment d'Allemagne. Cet ultimatum, en 10 points, exige notamment la participation des Autrichiens à l'enquête, ce qui est considéré par Belgrade comme une incursion dans les affaires intérieures du pays. Donc les Serbes rejettent l'ultimatum. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare donc la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie, alliée de la Serbie, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le mécanisme des alliances, triple entente, triple alliance, que nous avons décrit plus haut, se met alors en route. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France, qui vient de perdre le pacifiste Jaurès, assassiné comme un symbole le 31 juillet par un déséquilibré, réagit en mobilisant ses troupes pour défendre la Russie. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, puis envahit la Belgique, restée neutre, en application du plan Schlieffen. Eh bien, c'est un casus belli pour le Royaume-Uni, qui déclare alors la guerre à l'Allemagne le 4 août. La Première Guerre mondiale a donc commencé. Ce premier conflit mondial a donc ouvert sur la formation de la première république parlementaire en Allemagne, l'arrivée de Lénine au pouvoir à Moscou, la création de l'URSS, la naissance des deux grands totalitarismes que sont le stalinisme et le nazisme. Et d'ailleurs, on peut noter que les commémorations autour de 1914 sont beaucoup plus importantes et nombreuses en France qu'en Allemagne, qui semble comme plus préoccupée de savoir encore aujourd'hui le mal qu'a pu faire le nazisme et en Allemagne et en Europe, que convaincue de la nécessité de se pencher à nouveau, une fois encore, sur la guerre de 14-18. Vous pouvez lire « La Première Guerre mondiale » de John Keegan, vous pouvez lire « Les relations internationales » de 1871 à 1914 de Pierre Milza aux éditions Armand Collin sur les facteurs qui conduisent à la guerre. Et puis Christopher Clark publie chez DVA en langue allemande et chez Flammarion le livre « Les somnambules, comment l'Europe a marché vers la guerre ». Et puis je voulais vous signaler qu'une exposition intitulée « Été 14, les derniers jours de l'Ancien Monde » se tiendra à la BNF du 25 mars au 3 août 2014. Prendre les causes de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale n'a pas éclaté de façon inattendue en août 1914. Les rivalités entre États animent l'Europe depuis plusieurs décennies. Grâce à l'industrialisation, l'Allemagne est au début du XXe siècle en plein essor économique et veut conquérir de nouveaux marchés. La Grande-Bretagne s'inquiète et ne veut pas que sa domination commerciale et coloniale soit remise en question. La France rêve de prendre sa revanche sur l'Allemagne qui lui a pris l'Alsace et la Lorraine en 1871. De plus, de nombreuses minorités nationales, c'est-à-dire des peuples souhaitant leur reconnaissance, menacent la stabilité de certains États. C'est le cas de l'Autriche-Hongrie, où les minorités nationales sont nombreuses. Les Slaves du Sud, Bosniaques, Slovènes, Croates, souhaitent former avec la Serbie un nouvel État, la Yougoslavie, c'est-à-dire l'Union des Slaves du Sud. Dans cette ambiance tendue, des alliances se forment. L'Europe est au début du XXe siècle divisée en deux blocs. D'un côté, la Triple Alliance regroupe l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie. Face à elle, la Triple Entente est l'alliance de la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Les Balkans sont une région située au sud-est de l'Europe, entre la mer Noire et la mer Adriatique. C'est une région où rivalisent les puissances européennes pour installer leur influence face à l'Empire ottoman qui décline. Autriche-Hongrie et Russie se disputent la mainmise sur les États qui composent cette région. La Serbie est l'alliée de la Russie. Le renforcement de son poids suscite inquiétude et opposition en Autriche-Hongrie. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, prince héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et son épouse sont assassinés à Sarajevo par un nationaliste serbe, Gavrilo Princip, aidé de 5 autres défenseurs de la cause yougoslave. Cet assassinat va servir de prétexte au déclenchement de ce qui deviendra la Première Guerre mondiale. Les policiers autrichiens montrent de suite le lien entre les assassins et la Serbie. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie quelques semaines plus tard. Mais la Serbie est soutenue par la Russie, qui entre en guerre le 30 juillet. C'est alors l'engrenage des alliances. En France, la mobilisation générale est décrétée le 1er août. Sont rappelés sous les drapeaux tous les Français aptes au service militaire. Cette mobilisation est planifiée depuis longtemps. L'affectation de chaque homme était prévue selon son âge et sa résidence. Près de 2 millions de Français sont ainsi mobilisés en août 1914. Alors chante-nous la guerre de 14-18. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise, aux guérillas non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une, un vrai délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Voyez-vous, nous sommes à quasiment un siècle de la Première Guerre mondiale. On va fêter, et c'est normal, souvenir de la Première Guerre mondiale, mais le problème, c'est qu'on ne va pas donner, sauf exception, et grâce à MetaTV, ça sera l'exception, la raison profonde à l'origine de la Première Guerre mondiale. Les Français, en 2013, ne connaissent toujours pas les raisons de la Première Guerre mondiale. Parce que cet événement, la Première Guerre mondiale, a été vraiment l'élément déterminant qui a permis la mise en place par étapes de tout ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit le marché transatlantique, les blocs continentaux qui se mettent en place, avec ensuite aussi la création de l'État d'Israël, la reconnaissance d'un foyer juif, Balfour, en 1917, c'est bolchevique. Donc on voit que la Première Guerre mondiale est à l'origine de tous les maux qui s'abattent et qui vraiment s'abattent et qui même s'enracinent et qui sont en train de nous étrangler. Donc, il faut aller à la racine. Quand on parle des origines de la Première Guerre mondiale, on cite des éléments justes, mais secondaires. On va dire que un élément qui a joué, enfin voilà, la guerre de 14, c'est le fait que les Français n'acceptaient pas que l'Alsace-Moselle, on dit Lorraine, mais c'était l'Alsace-Moselle, la région de Metz, soit possession allemande depuis 1871. C'est vrai, ça crée une zizanie. Il y avait rivalité entre l'Empire russe, le panslavisme, et le pan-germanisme, Guillaume II, deuxième Reich. Donc il y avait plein d'éléments. Rivalité économique entre l'Allemagne et l'Empire britannique, l'Allemagne prenant peu à peu le pas économique sur l'Angleterre. Ces éléments ont joué évidemment un point énorme. Mais ce sont des éléments, entre guillemets, secondaires. L'élément, il est d'ordre géopolitique avec des répercussions économiques. Voyez-vous, l'Empire britannique est né, c'est vraiment développé après la défaite française, la Révolution française, le Directoire, l'Empire, 1815, la France est ratiboisée. En 1815, et là, il y a un excellent bouquin qui est sorti il y a des années, il y a peut-être 20 ans ou 25 ans, de René Sédillot, Le coup de la Révolution française. C'est comme pour les coupes de cheveux, before et after, avant et après. Vous avez la situation de la France avant la Révolution et la situation de la France après, dans le point de vue économique, démographique, les dégâts d'un point de vue culturel, où il y a eu des chefs-d'œuvre en France qui ont été détruits, et donc la France était ratiboisée. Je rappelle que la France, en additionnant tous les morts des guerres de l'Empire, les guerres de la Révolution, le génocide vendéen, pour une population de 26-27 millions d'habitants, il y a eu à peu près 2 millions de morts. C'est-à-dire autant que les Français morts durant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale avec une population de 40 millions. Bon. Donc en 1815, ces 2 millions à peu près d'hommes, qui avaient entre 18 et 35 ans, parce qu'à l'époque on vivait moins jeune, eh bien c'était 2 millions de reproducteurs en moins, et puis aussi 2 millions d'hommes qui n'allait pas travailler, qui n'allait pas avoir... Quand on est jeune, on a souvent des idées pour lancer une entreprise, etc. Donc la France est un pays qui est scié en 1815, et c'est vraiment le lancement et le développement de l'Empire britannique qui va occuper, grosso modo, un quart des terres émergées, le Canada, une partie de l'Afrique, et l'Inde, la perle de l'Empire, ou même l'impératrice, enfin la reine Victoria sera, couronnée impératrice des Indes. Bon, cet empire britannique passait par la marine, une marine qui était la première au monde, marine de guerre, marine commerciale, marine qui fonctionnait au charbon. Et puis fin 19e, début 20e siècle, vous avez la révolution, où on passe du charbon au pétrole. Et donc, c'était une mutation extraordinaire, puisqu'il a fallu, que ce soit pour l'Angleterre, puis comme pour toutes les grandes puissances, que ce soit d'un point de vue militaire et économique, enfin, la flotte marchande, mettre les bateaux en cale sèche, enlever tout l'attirail pour les faire fonctionner au charbon, pour ensuite mettre les outils, enfin, tous les éléments permettant de fonctionner au pétrole, enfin, au mazout. Bon. Et cette mutation s'est faite pour les navires de guerre dans les années 1900, 1901, 1902, 1903. Bon. Dans cette histoire, la Grande-Bretagne était la première puissance, mais une première puissance maritime, mais talonnée par l'Allemagne de Guillaume II, qui voulait, je cite son expression, sa place au soleil, et qui avait mis en place, sous l'impulsion du grand amiral allemand von Tirpitz, la Horsiflotte, la flotte de haute mer, qui devait tenir la dragée haute à la marine de guerre britannique. Et les Allemands, comme les Anglais, ils sont passés du charbon au pétrole. Voilà. Mais le pétrole, à l'époque, fin 19e, début 20e siècle, il est où ? Côté péninsule arabique, l'Euphrate, côté de l'actuel Irak. Alors il y avait aussi au niveau de la Perse, l'actuel Iran. Et là, on va commencer à toucher du doigt l'élément premier. L'Allemagne du Deuxième Reich de Guillaume II était liée et alliée à qui ? L'Autriche-Hongrie. Et à l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, c'était pas uniquement la Turquie actuelle, c'était la Turquie plus une grande partie de la péninsule arabique. Il y avait quelques zones de la péninsule arabique qui échappaient à l'Empire ottoman, mais en gros, les pays actuels qu'on appelle Israël, Liban, Syrie, Irak, Koweït, et une grande partie de l'Arabie saoudite, faisaient partie de l'Empire ottoman allié de l'Allemagne. Les zones pétrolières, ce sont les zones de l'actuel Irak qui se trouvent à Kirkouk et à Mossoul. L'Empire ottoman allié à l'Empire allemand. Et fin 19e siècle, les autorités politiques, économiques, militaires allemandes veulent lancer la création d'un sort de bloc économique unifié, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, en particulier avec un élément capital qui est le Bagdad-Ban. Bagdad, la ville de Bagdad, et Ban, la voie ferrée. Alors on va voir la vue 15. Voilà. Alors, cette carte-là, elle provient d'un bouquin d'un grand monsieur, d'un grand historien français et professeur en relations internationales qui s'appelait André Sheridan, qui est mort dans les années 47. C'est lui qui a balancé l'information. Autant vous dire que côté anglo-saxon et allemand, ils connaissent l'histoire, mais en France, on ne connaît pas. André Sheridan a sorti un bouquin en 1916 intitulé « Le plan pan-germaniste démasqué ». Et là, il montre alors deux choses. Vous avez en pointillé les États allemands et austro-hongrois, enfin les États de l'époque. Et en caractère gras, le noir gras, vous avez les frontières des années 1915-1916, ce sont les lignes de front à l'ouest, où une partie de la France est occupée, une partie nord, et puis à l'est, les frontières des armées allemandes et austro-hongroises qui ont marqué et grignoté l'Empire des Tsars. Voilà, donc c'est ce bloc. Et vous avez ce tracé qui part de Hambourg, qui traverse l'Autriche-Hongrie, allez l'Allemagne, pas de problème, et qui traverse, la Serbie, qui n'était pas allée à l'Allemagne. Bon, ensuite, qui continue la Bulgarie, allée à l'Allemagne, et l'Empire ottoman, et là, bon, c'est un trait évidemment simplifié, qui zigzague à travers les vallées ottomanes, qui traverse la Mésopotamie, et qui va jusqu'à l'actuel Koweït, le Châtel arabe, et quel est le projet grandiose des autorités politiques, économiques, militaires allemandes à la fin du XIXe siècle, sous la l'égide de Guillaume II. C'est de réussir à créer un bloc terrestre réunissant ces trois États, une sorte de communauté économique unifiée, avec un cordon ombilical, le Bagdad-Ban, qui était un oléoduc sur rail. C'est-à-dire que l'Empire ottoman allie l'Allemagne, producteur de pétrole, et bien l'Allemagne, avec cette oléoduc ce rail, le Bagdadbahn, cette voie ferrée, et bien avec cette voie ferrée, les Allemands contrôlaient la production et l'acheminement du pétrole. C'est eux qui contrôlaient le robinet du pétrole. Et en face, les Anglais disaient « Oh, shit !» Nous, Anglais, puissance maritime, première puissance maritime, économique, militaire, nous allons dépendre de la puissance terrestre allemande qui, alliée à l'Empire ottoman, pourra contrôler le robinet de pétrole quand ils le veulent. C'est-à-dire que nous perdons notre suprématie. Et c'est pas pour rien qu'avant la guerre de 14, vous avez plein de guerres balkaniques entre la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie. Pourquoi ? Tout ça, c'était excité par les Anglais qui voulaient créer une pagaille telle pour ralentir la construction du Bagdadbahn. Et c'est révélateur. Vous avez le livre de William Engdahl, « Pétrole, une guerre d'un siècle ». William Engdahl, qui est un professeur de relations internationales américain, qui a enseigné dans les grandes universités américaines, qui a publié un bouquin, donc ce titre, « Pétrole, histoire d'un siècle », qui est sorti en 2003-2004, où il publie le texte du Times, journal anglais, le Times, des années 1895-96, je n'ai plus la date exacte, où le Times, donc c'est l'époque où il y a les premières ébauches du Bagdadbahn, où le Times, qui est en fait le porte-parole de l'aristocratie, enfin le lobby anglo-saxon, dit en gros ceci, si les Allemands réussissent à construire ce Bagdadbahn et donc à contrôler la production de pétrole, etc., nous, Anglais, c'est terminé. C'est terminé. Et malgré les guerres balkaniques des années 1911-12, etc., ce Bagdadbahn se mettait peu à peu en place et la guerre de 14, qui comme par hasard a éclaté en Serbie, qui était le talon d'Achille de l'Allemagne, parce que pour des raisons d'ordre géographique, la Serbie, une plaine, la plaine de Vojvodine entre autres, était plus facile de passer cette frontière. Comme par hasard, William Engdahl, dans son bouquin, cite le nom de l'officier anglais qui était... qui travaillait au sein de l'état-major serbe et qui était là en fait pour surveiller la construction, l'évolution du Bagdadbahn et pour dire attention, attention, ils avancent et si ça continue, nous autres Anglais, on va passer en seconde zone. Voilà, c'est ça. La guerre de 14, l'Angleterre a joué son va-tout. Si l'Allemagne réussissait à aller jusqu'au bout avec la construction du Bagdadbahn et la création de ce bloc économique Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, eh bien, c'était terminé. Et ça allait encore plus loin, parce qu'en plus du Bagdadbahn, qui va jusqu'à l'actuel Koweït, qui n'existait pas, je rappelle que c'est le lendemain de la Première Guerre mondiale que l'Empire ottoman éclate, et comme par hasard, les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont récupérer comme pays ? L'Irak et le Koweït. Ils nous ont laissé les dates avec la Syrie et le Liban. Eh bien, qu'est-ce que voulaient faire les Allemands en allant jusqu'au Koweït ? Ils voulaient construire une super base navale, qui, partant du golfe Persique, allait attaquer l'Inde, la terre de l'Empire britannique. Voilà, c'est ça la raison première à l'origine de la Première Guerre mondiale. C'est ça, les Anglais savaient que si le projet allait à son terme, c'était terminé pour eux. C'est ça. Et donc, le coup de l'Alsace-Lorraine, etc. Oui, ça a joué. Donc, ils embarquent la France un peu dans cette histoire. Parce que c'est l'alliance contre nature, France-Angleterre. Oui, mais là, ils avaient besoin d'un soldat sur le continent. Et je rappelle que la grande intervention britannique en Europe, c'est en 1915, les Dardanelles, avec des Britanniques, des Australiens aussi, les deux Hollandais, Dardanelles, où il y a eu une tentative de débarquer des Anglo-Saxons donc au niveau du détroit de Bosphore. Pourquoi ? Pour essayer de séparer l'Autriche-Hongrie d'un côté et l'Allemagne de l'autre, d'un côté, de l'Empire ottoman. D'où aussi l'action de Laurence d'Arabie, qui va essayer de mobiliser les Arabes contre l'Empire ottoman, parce que c'était vraiment la chose. Voilà, donc c'est ça l'élément premier, c'est le Bagdadbahn, et c'est la Serbie qui était le talon d'Achille. Et je rappelle, au mois de mars 1999, quand il y a eu l'attaque de l'OTAN contre la Serbie, enfin la Yougoslavie de Milosevic, eh bien c'est la même histoire, car il devait avoir la construction d'oléoducs et de gazoducs passant à travers la Yougoslavie de Milosevic. Ce dernier ne voulait pas, parce qu'en gros ne voulait pas être assujetti au monde occidental, et on lui a fait la guerre. C'est mars 1999, c'est Sarajevo, c'est 1914, Simplement, ça n'a pas éclaté comme en 1914. Mmh. C'est la même histoire. Et d'ailleurs, à peine les Américains en 1999 ont écrasé la Serbie avec l'aide des Allemands, parce que je rappelle que l'Allemagne a joué un grand rôle. A joué un grand rôle dans l'éclatement de la Yougoslavie. De la Yougoslavie, vous savez, l'histoire est ironique. Je cite cet exemple. Vous aviez des services secrets allemands en Albanie qui soutenaient les mouvements indépendantistes kosovars contre les Serbes. Eh bien, le dirigeant des services secrets allemands en Albanie s'appelait Kesselring et son père était maréchal de la Luftwaffe qui avait bombardé Belgrade en 1941. Hein, il y a des traditions familiales comme ça. Vas-y fiston, j'ai pas pu faire le boulot en entier. Je te repasse le flambeau. Voilà, bon, mais ça, c'est pas la télé qu'on va le dire. Non, vous voyez, il y avait cette volonté d'établir ce Bagdad ban. Et ce qu'on a vu en 14, ben, c'est pour mettre fin à une tentative du monde anglo-saxon face à une tentative allemande de créer ce bloc unifié. Et ce qu'on a vu en mars 1999, c'est une autre version du Bagdad ban, mais via les oléoducs et les gazoducs qui devaient passer par la Yougoslavie. Milosevic ne voulait pas, on lui a cassé la gueule. Et à peine la Yougoslavie écrasée, le Kosovo a accueilli la plus grande base américaine d'Europe, Bond Steel, qui est le premier employeur de Kosovar et qui est une vigie pour surveiller les oléoducs et les gazoducs qui passent dans la région, Turquie, etc. Voilà. Donc, c'est le Bagdad ban version moderne. Oh, déjà, avec l'opération, la déclaration Balfour de 1916, qui reconnaît en plus un foyer juif en Palestine, et donc c'est l'ébauche, l'annonce de l'État d'Israël qui verra le jour en 1948. D'ailleurs, je rappelle deux choses. Premièrement, la déclaration Balfour, ce n'est pas Balfour. Arthur Balfour, c'est Milner, Alfred Milner, qui était un grand, j'allais dire, oligarque anglais, et qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, qui est mort en 1902, qui est un homme Je t'écris, ma chère Suzanne, comme hier, comme avant-hier. Nous traversons la Champagne au gré du chemin de fer. L'odeur du charbon qui brûle nous colle et nous accompagne. Je soutiens mon ami Jules, il neige sur la campagne. Janvier 1916, je vois défiler les gares. Le gros de l'armée française va vers le grand abattoir. Mais mon cœur est à l'arrière. Tu le sais, toi, ma Suzanne, ma tendre marraine de guerre, dans ton usine à Paname. Mes copains du 35e ont souvent des fiancés. Moi, j'ai 19 ans à peine et je ne sais même pas danser. Alors, je ne suis pas peu fier que tu m'offres, ma Suzon, cette fleur, cette lumière qui m'embellit l'horizon. C'est ma 21e lettre, j'ai déjà la sensation de te voir, de te connaître. On a repris Douaumont, toi près du métro glaciaire, dans ton usine à canon. Ma tendre marraine de guerre, as-tu la même impression? Voyons sous l'orage avant d'affronter la Meuse. Pour me donner du courage, je relis à la veilleuse tes longs feuillets d'écriture et leurs courbes généreuses que je couds dans la doublure éventrée de ma vareuse. T'écrirai peu ce soir, car Douaumont est perdu. j'ai peur, je chante, on va boire. Et Jules, à jamais sais-tu, quelquefois je fais un rêve. Oh, pas vraiment, pas exprès. Veux-tu, si la guerre s'achève, être ma marraine de paix? Sais-tu que je fais un rêve? Oh, pas vraiment, pas exprès. Veux-tu, si la guerre s'achève, être ma marraine de paix? La Première Guerre mondiale est la première guerre moderne. Les hommes y expérimentent les premiers blindés, les premières armes chimiques et l'utilisation massive des bombardements. Les pertes humaines sont considérables. Près de 9 millions de soldats issus de plusieurs continents et près de 8 millions de civils périssent entre 1914 et 1918. C'est toute une société qui est traumatisée par la Grande Guerre, que la plupart espèrent être la der des der. Mais le premier conflit mondial chamboule aussi les frontières politiques avec 16 traités de paix, signés entre mars 1918 et juillet 1923, qui redessine la carte du continent européen. Entre 1917 et 1918, la carte politique de l'Europe de l'Est est bouleversée. En Russie, les révolutions de février et d'octobre 1917 balayent l'empire russe des Romanov. Un an après, la Bulgarie, l'empire ottoman, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne signent l'armistice. Le 9 novembre 1918, Guillaume II, empereur d'Allemagne, abdique. Quelques jours plus tard, Charles Ier, empereur d'Autriche-Hongrie, renonce au pouvoir. En Allemagne, la République de Weimar est proclamée, tandis que les peuples de l'ancienne Autriche-Hongrie proclament leur indépendance. Après la défaite des empires centraux, les dirigeants des puissances victorieuses se réunissent à Paris pour réorganiser l'Europe et décider du sort des vaincus. Parmi les 27 pays représentés, 4 jouent un rôle prépondérant. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie. Durant les négociations, les désaccords sont nombreux entre les participants. Georges Clemenceau, président du Conseil, politicien expérimenté, représente la France. Poussé par le président français Raymond Poincaré et une opinion publique en colère, Clemenceau souhaite sanctionner l'Allemagne. Pour le président du Conseil, l'Allemagne est responsable du conflit, elle doit payer pour les dommages causés par la guerre et céder des territoires aux vainqueurs. À l'opposé, Wilson, président des États-Unis, est un idéaliste qui veut faire triompher sa diplomatie en 14 points, fondée notamment sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et sur la constitution d'une Ligue des Nations. Entre les deux, Lloyd George, le premier ministre britannique, souhaite étendre l'influence de la Grande-Bretagne sur le Moyen-Orient et démanteler l'empire colonial allemand. Son gouvernement lorgne aussi sur les marchés intérieurs des vaincus. Cependant, son attitude à l'égard de l'Allemagne est plus modérée que celle de Clemenceau. Enfin, Orlando, le président du Conseil italien, désire acquérir les anciens territoires austro-hongrois autour de l'Adriatique et obtenir un mandat sur l'Asie mineure. La première conférence, organisée à Versailles, sanctionne l'Allemagne. En 1871, l'Empire allemand avait été proclamé dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. En organisant la conférence, dans ce lieu symbolique, la France espère effacer l'humiliante défaite de Sedan. Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919. Les décisions prises à l'égard de l'Allemagne sont dures. Tout d'abord, l'Allemagne doit reconnaître sa responsabilité dans le déclenchement du conflit, payer pour les dommages de guerre et céder un huitième de son territoire. À l'ouest, elle cède l'Alsace et la Lorraine du Nord à la France, les villes d'Eupen et de Malmedy à la Belgique et une partie de son territoire au Danemark. La Sarre est placée sous l'administration de la Ligue des Nations, une nouvelle organisation internationale chargée de maintenir la paix et la sécurité. La France y obtient l'autorisation d'exploiter les mines de charbon. À l'est, la Pologne redevient indépendante. L'Allemagne doit lui céder la Poznanie et la Silésie. Le nouvel État polonais reçoit un corridor pour accéder à la mer. Cette bande de terre sépare l'Allemagne de la Prusse orientale. La ville de Danzig est quant à elle déclarée ville libre. Plus à l'est, la Lituanie reçoit la région de Memel. En Europe, l'Allemagne perd plus de 73 000 km². Sa population passe de 67 800 000 habitants en 1914 à 59 millions d'habitants. Les Alliés s'attaquent aussi aux possessions coloniales allemandes en les plaçant sous mandat de la Société des Nations. Le sud-ouest africain est confié à l'Union sud-africaine, à un dominion britannique, alors que le Togo et le Cameroun sont cédés à la France et au Royaume-Uni. L'Afrique orientale est partagée entre le Royaume-Uni, la Belgique et le Portugal. Dans le Pacifique, les îles Marshall, Marianne et Caroline sont cédées au Japon. La Nouvelle-Guinée allemande et quelques îles du Pacifique sont confiées au dominion britannique de la région, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres sanctions sont prises à l'égard de la nouvelle République de Weimar. Son armée est réduite à 100 000 hommes et elle doit aussi démilitariser la rive gauche du Rhin. Le traité de Versailles suscite une vive indignation en Allemagne. Il est perçu comme un véritable diktat, un traité imposé et injuste qui nourrira le ressentiment contre les alliés. Les traités de Saint-Germain et de Trianon règle le sort de l'Autriche-Hongrie. Avant 1914, l'Autriche-Hongrie, composée de deux États, l'Empire d'Autriche et le Royaume de Hongrie, est une entité politique de 52 millions d'habitants, dont le territoire s'étend sur plus de 670 000 km². L'Empire est une véritable mosaïque de peuples. On y trouve des germanophones, des Hongrois, des Tchèques, des Slovaques, des Roumains, des Polonais, des Ukrainiens, des Italiens, des Serbes, des Croates, des Bosniaques et des Slovènes. Au nord, les vainqueurs créent la Tchécoslovaquie. Ce nouvel État est composé de plusieurs nationalités, des Tchèques, des Slovaques, mais aussi des Polonais et des Ukrainiens. Les Alliés cèdent aussi des territoires germanophones au nouvel État, les Sudètes. Au sud, les provinces slaves de l'Empire sont cédées au nouveau royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Le Petit Monténégro rejoint également ce nouvel État, qui sera renommé Yougoslavie en 1929. Les territoires restants sont cédés à l'Italie et à la Pologne. La Roumanie acquiert la Transylvanie et un ancien territoire russe, la Bessarabie. Du puissant empire des Habsbourg, il ne reste que deux petits états. L'Autriche, avec une population de 6 millions d'habitants et un territoire de 80 000 km², et la Hongrie, avec une population de 8 millions d'habitants et un territoire de 95 000 km². Enfin, le traité de Neuilly sanctionne la Bulgarie, qui perd des territoires au profit de la Roumanie, de la Yougoslavie et de la Grèce. À l'Est, la carte politique est aussi bouleversée. Après la signature du traité de Brest-Litovsk en mars 1918, entre l'Allemagne et le gouvernement de Lénine, la Russie doit abandonner la partie occidentale de son territoire. Le nouveau régime soviétique perd une partie de son industrie sidérurgique et de son réseau ferroviaire. Cependant, avec la défaite de l'Allemagne, les bolcheviks refusent de reconnaître le traité. En 1917 et 1918, plusieurs nouveaux États apparaissent. La Finlande, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. En 1919, l'armée rouge lance une offensive contre la Pologne avec l'espoir de faire la jonction avec les révolutionnaires allemands et hongrois. Après plusieurs défaites, la Pologne parvient à battre l'armée rouge et étend son territoire vers l'Est. En 1922, Lénine fonde l'URSS, un État fédéral composé de plusieurs républiques soviétiques. Entre 1918 et 1923, la carte de l'Europe est complètement bouleversée. De nouveaux États émergent consacrant le principe des nationalités soutenu par Wilson à Versailles. Pour garantir le nouvel équilibre et éviter un nouveau conflit, les Alliés créent la Société des Nations. Cette organisation internationale, dont le siège se trouve à Genève, a pour objectif de maintenir la paix et la sécurité. Pourtant, les Alliés posent les bases d'une paix fragile. Tout d'abord, le traité de Versailles suscite l'indignation des Allemands. Cependant, l'Allemagne reste une grande puissance européenne. Ensuite, malgré l'application du principe des nationalités, de nombreux problèmes demeurent en Europe de l'Est et dans les Balkans. Les populations germanophones des Sudètes acceptent mal leur intégration à la Tchécoslovaquie. Dans le nouvel État yougoslave, les tensions montent entre les différents groupes nationaux, notamment entre les Serbes et les Croates. Enfin, certains vainqueurs ne sont pas satisfaits des décisions prises par les Alliés. Pour les Italiens, la victoire est mutilée, car ils se voient refuser de nombreux territoires, comme la Dalmatie. Quant à la Société des Nations, elle se révèle inefficace. L'organisation internationale ne dispose d'aucune force armée pour faire respecter ses décisions et le Congrès américain refuse de voter l'adhésion des États-Unis à la nouvelle organisation internationale. Le traité de Versailles et les traités de la banlieue parisienne se voulaient être les garants de la stabilité et de la sécurité en Europe. Ils établissent en réalité une paix fragile et portent en eux les germes de nombreux conflits, dont le plus important est la Seconde Guerre mondiale. On va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un craonne sur le plateau qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. C'est enfin la relève que nous attendons sans trêve. Quand avec la nuit, dans le profond silence, on voit quelqu'un qui s'avance, c'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Nous sommes dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est parti, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est la crâne sur le plateau qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tant que ceux qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Tous ces embusqués, au lieu de se promener, ferait mieux de venir dans la tranchée. Tous nos camarades sont étendus là pour sauver les biens de ces messieurs-là. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Moi, c'est vrai que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir toute cette manipulation d'image qu'on trouvait aux États-Unis. Ça m'amusait beaucoup à la base. Et puis, je me sentais protégé en France. Vous savez, en France, nous, on a le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de mal dans notre télévision, ils mettent un blâme. Il est méchant, le Pujadas. Il est gentil, le Bolloré. Il est coquin, le Hanouna. Sauf qu'un beau jour de janvier, j'ai allumé ma télé. Édition spéciale. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle la principale information. Une prise d'otage serait en cours. Même si tout cela est à prendre au conditionnel, nous sommes déjà en ligne avec la mère de l'une des victimes pour obtenir son témoignage. Bonjour, madame. Oui, j'ai bien dit de l'une des victimes, oui. Ah, vous n'étiez pas au courant. Eh bien, merci de nous faire vivre en exclusivité cette première minute de deuil. Madame, sur le profil Facebook de la victime, nos journalistes ont trouvé des photos de vacances en Turquie. Turquie, Syrie... Pensez-vous qu'elle pourrait être impliquée ? Madame ? Allô ? Allô ? Ah, visiblement un petit problème de liaison, mais ce n'est pas grave. En attendant, on retrouve tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Jean-Rémy. Bonjour Jean-Rémy. Dites-moi, a-t-on la confirmation qu'une prise d'otage est en cours ? Non. Merci beaucoup Jean-Rémy, n'hésitez pas à intervenir si vous avez d'autres informations comme celle-là. Et vous, chers téléspectateurs, restez bien avec nous. On refait un point sur la situation avec ce reportage. C'est coupé ? Dites-moi, il est où ? Comment ça se fait qu'il est vide le plateau là ? Il est où mon expert du GIGN ? Ah non, me dites pas qu'on en a pas. Hein. Ah non, non, non, dans toutes les chaînes en ont un, les gars. Même TV Breads en a trouvé un. Hein ? Moi, je fais comment pour broder ? On a déjà Jean-Rémy toutes les 4 minutes, il a rien à nous dire. Ça va finir par se voir. Non, mais sérieusement, on a vraiment rien ? Je veux dire, même pas un policier municipal ? Non ? Un maître chien ? Non ? Un garde champêtre, je sais pas ? Non ? Non ? Bon, bah super, bah qu'est-ce que je vous dis ? Prenez le mec de la sécurité devant le studio, hein ? Bah non, prenez pas le noir ! Non, non, non, non, non. Je vous ai pas demandé un vigile de chez Carrefour, les gars. Hein ? Comment il s'appelle, le blanc ? Jean-Pierre. Ah, c'est bien, ça. Ça fait bien police, Jean-Pierre. Eh ben, allez, allez, allez, amenez Jean-Pierre sur le plateau. On est à l'antenne dans une minute, là. Salut, Jean-Pierre. Je t'en prie, installe-toi. On est à l'antenne dans moins d'une minute, hein ? T'oublies pas, t'es plus vigile, Jean-Pierre. T'es expert du GIGN, maintenant, hein ? Hein ? Expert du GIGN, Jean-Pierre. Ça va aller pour toi ? Ça va aller ? Tu comprends ? C'est bon ? Jean-Pierre, détends-toi, là, t'es tout tendu du haut, là, quand même. Mais Jean-Pierre, c'est pas grave si tu sais pas, hein ? Tu fais comme nous, tu inventes. On fait tout ça, hein ? Si tu sais pas, c'est pas grave. Allez, t'oublies pas, tu te concentres, tu y mets à fond, tu donnes tout, hein ? GIGN, Jean-Pierre, hein ? GIGN. De retour en direct pour suivre cette aubaine, cette prise d'otage. Nous remercions les ravisseurs d'avoir choisi notre chaîne pour s'informer sur la police. Toujours aucune information sur les victimes, néanmoins une bonne nouvelle. Des otages auraient réussi à se cacher au sous-sol. Restez bien avec nous. Et tout de suite, on accueille sur le plateau Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, je rappelle que vous êtes expert spécial auprès du ministre de l'Intérieur, directeur de la cellule de crise et surtout, surtout, expert du GIGN. C'est bien cela, Jean-Pierre ? Oui ? Alors, Jean-Pierre, j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, vous qui avez cette expérience, était-il possible d'anticiper ce genre d'événement ? Bah, si on avait pu anticiper, je pense que vous auriez mis des envoyés spéciaux puis des GoPros dans la prise d'otage. Pas faux, Jean-Pierre. Jean-Pierre, autre question. Vous qui avez vécu cette expérience, comment se sent-on avant un assaut ? Bon, bien. Oh, je veux dire, bien, bien, bien. Enfin, je veux dire, nous, on fait une petite belote et puis quand on nous dit d'y aller, on y va. Hein. Ah, vous savez, nous, les djihadistes, c'est devenu un petit peu notre 4 heures. Hein. Jean-Pierre, juste une toute dernière question. Selon vous, comment va se dérouler cet assaut ? Avec des fusils d'assaut. Hein. Merci d'être passé. Je crois qu'on vous attend, Jean-Pierre. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous restez bien avec nous le temps d'une très courte pause et on se retrouve juste après. De retour en direct. Et nous sommes en duplex avec Monique, une habitante du quartier, qui a, semble-t-il, été tout proche des ravisseurs. Hein. C'est bien cela, Monique ? Oui, c'est cela, tout à fait, oui, oui. Monique, j'ai juste quelques questions à vous poser. Tout d'abord, ces ravisseurs, est-ce qu'ils portaient la barbe ? J'ai pas vu. Ah, donc ils étaient voilés, Monique. Justement, ces ravisseurs, qu'ont-ils dit ? J'ai pas compris. Ah, donc ils parlaient arabe. Ont-ils mentionné Allah ? Qui ça ? Wakbar. Allah Wakbar, Monique. Peut-être. Vous n'êtes pas sûre, Monique ? Non. C'est néanmoins possible, Monique ? Bah oui. Attendez, attendez, qu'on soit bien sûr. Vous venez de nous dire oui ? Bah oui. Messieurs, dames, c'est donc officiel, c'est une attaque terroriste. Vous restez bien avec nous pour suivre minute par minute cette prise d'otage. Cette prise d'otage, c'est un événement absolument exceptionnel, sensationnel, historique, unique, que nous couvrons pour vous avec un dispositif exceptionnel. C'est les envoyés spéciaux sur le terrain, plein le terrain. C'est les experts sur le plateau, plein le plateau. Et dans quelques minutes, ne loupez pas la dernière interview exclusive du ravisseur avant l'assaut final. C'est l'instantané, c'est le direct, c'est excitant, hein. Alors vous restez avec nous! Et l'on vient d'apprendre à l'instant, aux eaux de Vincennes, la naissance du girafon Gérard. Une naissance qui ravira à coup sûr petits et grands visiteurs. Tout de suite, c'est la suite de notre édition spéciale. Alors, excellente journée sur notre chaîne. Là, vous pouvez. Quand j'ai vu que l'information ressemblait de plus en plus à ça, je me suis posé des questions. Je me suis dit, en ce moment, avoir la télévision chez soi, c'est pas un peu Mein Kampf dans son salon ? Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, je suis assez ému en fait en préambule pour de jouer ici à Montreux, c'est-à-dire que j'ai passé une partie de mon enfance pas très très loin, à Bruxelles. D'ici je crois que c'est même pas 900 km je pense. Donc c'est un peu joué comme dans mon jardin ici, et puis c'est toujours, quelque part, je suis toujours bluffé par la beauté des paysages en Suisse. Vous avez vraiment un pays magnifique quoi. Je comprends tellement que vous n'ayez pas envie de le partager avec les étrangers. Vraiment. C'est normal, c'est comme avoir une Maserati. Quand t'as une Maserati, tu la fermes à double tour, etc. Nous, en Belgique, au niveau du paysage, on a une Citroën Berlingo, quoi. Donc, forcément, t'en as rien à foutre que les gens ils laissent des miettes sur les banquettes. C'est différent. Moi, le racine, c'est comme le bifidus actif, quoi. C'est une aide au quotidien pour moi. Ça me sort de plein de situations. Un jour, je sors de boîte. Cet été, 3h du mat, je prends la voiture. J'avais un peu vu, alors que j'ai une politique très stricte en matière d'alcool au volant. Jamais d'alcool au volant, sauf vraiment cas extrême. Coup classique, t'as bu, tu dois rentrer en voiture. Bon, là, t'as pas le choix, mais hors cas extrême. Non, mais t'as pas le choix. Mais hors cas extrême, je le prends jamais. Et là, je la prends alors que j'étais déjà en retrait de permis pour conduite en état d'ivresse. Une belle confiance en ma couleur de peau, quand même. Là, je roule et tout, je lève la tête et je vois contrôle de police. Et je me dis, putain, contrôle de police, je suis en récidive, je suis en retrait de permis. Cette fois-ci, je vais aller en prison, quoi. Avec la gueule de victime que j'ai, ça va être un carnage. Je venais de me faire ce tatouage à l'époque, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Ça en prison, ça veut dire c'est par ici que ça se passe, hein. Pas plus de 4 à la fois, sauf si c'est vraiment important, mais a priori, on aura pour tout le monde, quoi. Je me dis, putain, je vais sortir de prison, j'aurai plus de motricité, quoi. Ah ouais. Paraplégique, c'est sympa pour les places de parking, mais c'est foutu pour le badminton, tu vois, donc... les études sont formelles, tu se matches moins bien, clairement, mais... Donc je me dis, c'est un arbitrage. J'arrive à la hauteur du flic en pensant à ça, je baisse la vitre et il me dit, vous venez d'où comme ça? Je dis, j'étais avec des amis et tout. Il me dit, vous avez bu de l'alcool? Et là, je lui sors cette réponse. Donc je me rappelle aujourd'hui encore avec une pointe de tendresse. Et je lui dis, eh ben, honnêtement, pas tant que ça ce coup-ci. Pas tant que ça ce coup-ci. Mais autant il est franco, ouvrir son cœur là, vous avez bu de l'alcool? Ouais, je suis déchiré, mais je gère, t'inquiète, hein. De toute façon, il est 3h du matin, si j'écrase quelqu'un, ça peut pas être un innocent, hein. Il n'y a plus d'innocents en arrivant à 3h du matin. Ah ouais. À part les boulangers, si je prends un boulanger sous le capot, je serai dans le pétrin. T'as compris? T'as été scolarisé? Laisse-moi passer ce suppôt du pouvoir. Autant ouvrir son cœur. Pas tant que ça ce coup-ci. Et c'est là qu'être blanc, évidemment, ça fait toute la différence. Parce que le flic, il me fait, bon, allez, prudent, hein. Bonne route. Prudent, bonne route. Si j'avais été arabe, ce sketch, je vous le ferais sur Skype, dans ma cellule. En chaise roulante. Ah ouais. Quand t'es un homme blanc, tu comprends pas pourquoi on fait tout un foin, évidemment, avec le racisme. Forcément, le racisme, en soi, si t'enlèves tout ce qui est injustice, humiliation, discrimination, brimade, ratonnade, bastonnade, le racisme, limite, c'est chou, quoi, vraiment. Ah, juste, c'est un truc à faire, c'est comme la burrata, quoi. Moi, je peux que vous conseiller, clairement. Allez, c'est vrai, moi, j'habite aujourd'hui dans un quartier très, très bourgeois de Bruxelles, où il y a vraiment, je dois dire, c'est une chance, très peu de racisme, parce qu'en fait, les gens sont pas du tout au courant qu'il existe des étrangers, ce qui aide. Sauf que quand il y a un noir ou un arabe dans la rue, les gens vont spontanément lui indiquer son chemin. Ah, vous êtes perdu. Coûtez le mieux pour l'aéroport. Hein. Alors, c'est encore. Donc il y a moins ce racisme structurel. Quelque part, je vis dans un quartier, c'est vraiment une caricature de bourgeoisie, quoi. Dans ma rue, il y a une boutique de cupcakes. Moi, je viens d'un quartier populaire à Bruxelles, et chaque fois que je passe devant cette boutique de cupcakes et que je vois tous ces mecs en pantalon rose, là, en train de faire une file de malades pour aller acheter leur cupcake à la fleur de flûte de pan là et au poil de torse de boule de feu, je me dis, en cas de guerre, on va se faire défoncer. Sérieux, les mecs, tu les prives 2 jours de cupcake, ils te dénoncent tout le monde, c'est un carnage. C'est que cette semaine, lundi, en Belgique, il y a une étude qui est sortie et qui a démontré qu'en fait 50% des jeunes belges considèrent qu'ils sont capables de se battre pour leur pays, quoi, et qu'ils pourraient y aller, en fait. Et je sais pas comment c'est en Suisse, mais moi, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que tu pourrais te battre pour ton pays? Franchement, ça dépend contre quel pays, quoi. Il faut que je croie qu'on ait une chance, tu vois, style contre le Liechtenstein, Andorre, le Luxembourg. Le Luxembourg, militairement, on les prend, quoi, vraiment, je pense. Même vous, en Suisse, vous les prenez militairement, quoi, clairement. Et le Luxembourg, même nous, ici, on les prend. Après le spectacle, on part à 7 voitures. Dans 3 heures, toi t'es premier ministre, moi je suis grand-duc. Clairement. Ouais. L'armée là-bas, c'est 2 mecs dans une Twingo et des pistolets à colle, quoi, tu vois, donc... Mais imagine, on te dit, voilà, il faut te battre contre la Russie. Moi, je sais, si on me dit ça, je dirais, les gars, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais partir sur une dynamique de désertion, hein. Vraiment, en ce qui me concerne, moi, mon courage, c'est comme mon wok. J'en ai un, mais je m'en sers pas souvent, vous voyez, c'est un peu le... Non. C'est vrai. Vous avez vu les hooligans russes à l'Euro? Comment c'était effrayant. Ils étaient torse nus. Imagine les mêmes mecs avec des armes de guerre. Non, non, moi j'y vais pas, clairement. Moi, j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est pas adapté du tout à un contexte de guerre, clairement. Vraiment, moi tu m'interroges dans une pièce où il fait moins de 13 degrés, je parle. Sérieux. Tu ouvres la fenêtre, je supplie à genoux, quoi. Vraiment, c'est... Si je vois un mec qui va aller me torturer, je lui dirais, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais tout te dire de toute façon, hein. Oh, commence pas, tu vois, m'arracher les ongles, à m'électrocuter les couilles, tu vas perdre un temps fou. Donne-moi ton adresse email, tu vois, je vais te faire une petite synthèse en bullet point, un truc un peu carré, quoi. Sérieux, moi, je serais une merde en temps de guerre, clairement. Ah, je dois avoir du sang français, je crois, quelque part, tu vois. C'est vrai. Attends. Je sais que ça ne va pas plaisir aux Français quand je dis ça, mais prenons un truc. C'est quoi la réplique la plus célèbre d'un film de guerre français? Bah dites donc! Ça fait 3 fois que vous me faites le coup! Mes souliers, mon vélo! C'est quand même pas Apocalypse Now, quoi! C'est vrai, les Français, ils vont à la guerre comme les Jamaïcains, ils vont aux Jeux Olympiques d'hiver, quoi, tu vois? T'as l'impression que c'est uniquement pour faire des comédies après? Il faut arrêter! Non, mais c'est vrai, ils aiment pas que je leur dise ça en France, mais c'est vrai. Oh, on peut les charrier en même temps. Nous, les Belges, ils nous ont pris pour des attardés mentaux pendant 40 ans. Bah, scientifiquement, c'est incontestable, mais ça fait jamais plaisir, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, je sais pas comment ça se passe en Suisse, mais nous, en Belgique, on a un drôle de rapport aux Français. On n'est pas revanchards, mais. Comment vous expliquez le truc? C'est-à-dire qu'en Belgique, il y a un baby boom 9 mois après chaque défaite de l'équipe de France. Vous voyez? Moi, je me suis toujours dit, si l'État islamique envahit la France pour de bon, dans notre JT, ça passera après le retour des moules. Merci de m'avoir écouté, les amis, vous avez été super. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs. En remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Donc, aujourd'hui, on est sur du concret. On est sur du concret et de l'immédiat. Donc aujourd'hui, la bataille dans les territoires autour de nos hôpitaux de proximité, c'est de dire, on analyse les besoins dans le territoire et l'hôpital, il doit se développer en s'ouvrant sur l'extérieur. Et le modèle que l'on défend, ben c'est le modèle que Frédéric décrivait. C'est quoi l'hôpital psychiatrique? Eh bien, on a effectivement diminué le nombre de lits d'hospitalisation parce que les gens ne vont pas être hospitalisés au-delà du nécessaire. Mais par contre, on a ouvert des CMP. Voilà, on a ouvert des CMP. Ben alors, on propose la même chose pour le somatique. Et même si on peut lier les deux, comme on l'a fait dans le 3e arrondissement de Marseille, dans le 3e arrondissement de Marseille, l'hôpital psychiatrique a ouvert un centre de santé, avec des médecins. Alors, on a aussi une petite responsabilité, la CGT, puisqu'on participe à la gestion du Grand Conseil de la Mutualité, qui gérait les centres de santé, mais qui, sous la pression de l'ARS, dans le cadre d'un plan de restructuration, a demandé à ses médecins de quitter le salariat et de revenir à la rémunération à l'acte. Les médecins ont dit merde à la mutualité, d'entraîner au prud'homme, et sont allés voir le directeur de l'hôpital psychiatrique en disant « Nous, on veut rester salarié, on vous propose un projet de centre de santé. » Et le centre de santé dans le 3e arrondissement de Marseille, pour ceux qui connaissent Marseille, c'est le centre-ville, c'est le quartier le plus pauvre. Au rez-de-chaussée, c'est la médecine somatique, au premier étage, c'est le CMP, géré par l'hôpital. Et ça marche. Alors, il n'y a plus qui bricole aujourd'hui pour le montage financier. Donc, j'en viens à comment on paye tout ça? Eh bien, c'est simple, on ne veut plus de rémunération à l'acte en ville, et on ne veut plus de T2A à l'hôpital. Ben, plus de rémunération à l'acte en ville si les médecins sont salariés, il n'y a plus de rémunération à l'acte, et il n'y a plus de dépassement d'honoraires. Ça répond quand même à une revendication majoritaire de la population. Okay? Et pour l'hôpital, eh bien, on propose non pas de revenir au budget global, mais on propose de revenir à un budget contractualisé sur 5 ans, réévalué chaque année en fonction des résultats. Mais ce budget, il est négocié sur la base des besoins de santé dans le territoire. C'est-à-dire que d'un territoire à l'autre, les besoins ne sont pas les mêmes. La population chez vous en Seine-Saint-Denis n'est pas la même que chez vous, mais elle n'est pas la même que à Nice. Les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, forcément, on doit négocier des budgets en fonction des besoins qui doivent être analysés, expertisés. Et bien oui, si on a une population pauvre, ben, effectivement, ça nécessite des budgets supplémentaires. Ce n'est pas la même chose de prendre en charge les pauvres que les riches. Hein? C'est-à-dire qu'on soigne plus facilement un riche, il comprend plus facilement, puisque vous savez qu'aujourd'hui, quand même, l'éducation du patient dans les pathologies chroniques, ça compte beaucoup. Bah, c'est plus facile d'expliquer la prise en charge du diabète à un bac plus 5 qu'à un ouvrier d'origine immigrée qui ne maîtrise pas bien le français. Voilà, donc ça ne peut pas être le même temps de consultation, ça ne peut pas être la même prise en charge médicale, paramédicale. Et donc tout ça. Oui, mais la sécurité sociale et la dette qu'on va laisser à nos enfants. Ah, ça c'est très fort, la dette qu'on va laisser à nos enfants. Alors vous n'êtes pas très loin, vous êtes dans le Grand Est. Et bien on n'a pas très loin d'ici le régime particulier Alsace-Moselle. Et il n'est jamais en déficit. Vous savez pourquoi la CGT, on s'est préoccupé du régime Alsace-Moselle? Parce que les camarades, on disait, ouais, mais votre truc là-bas, ça ne nous intéresse pas. Quand ils sont venus discuter à Montreuil de la ligne, ils ont dit, attendez, la Lille, la mutuelle pour tous de M. Hollande, c'est de la merde. c'est moins bien que notre régime particulier. Alors, il nous a expliqué le régime particulier. Le régime Alsace-Moselle, eh bien, il est jamais en déficit. Puisque vous adaptez le niveau de cotisation en fonction des dépenses de l'année N-1. Et est-ce que c'est très coûteux? Est-ce que c'est pas tenable financièrement? C'est pas à guichet ouvert. La loi prévoit que la cotisation, ce qui correspond à la cotisation d'assurance maladie complémentaire, parce que c'est un seul régime à payer dans une caisse unique, vous pouvez faire varier la cotisation de 0,85 à 2,5% de votre salaire. Regardez ce que ça coûte, 0,85 à 2,5% de votre salaire par rapport au coût de votre assurance maladie complémentaire. Vous verrez que c'est intéressant. Aujourd'hui, ils équilibrent les comptes avec 1,5% de cotisation. 1,5%. Et le régime n'est pas en déficit, et comme la cotisation est payée uniquement par les salariés, c'est les salariés qui gèrent. C'est pas le paritarisme. Quand il y a un syndicat jaune, on se fait toujours baiser, c'est les patrons qui prennent la main. Donc, voilà. Donc, c'est performant. Donc, on a les propositions. Donc, la proposition de la CGT sur la sécurité sociale, c'est pas le slogan « Sécu à 100% ». Parce que ça, c'est un slogan. Même Macron vous dit « Je suis pour la Sécu à 100% ». Non, non. Nous, on est pour la Sécu intégrale, collecteur unique, financeur unique. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous versez l'intégralité de vos cotisations à la Sécu, et il n'y a que la Sécu qui vous rembourse. D'accord ? Qui vous rembourse l'intégralité des soins. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que il faut qu'on fasse la pédagogie de la fiche de paye avec les syndiqués, avec les salariés. Parce qu'il n'y a pas des charges. Il y a des cotisations. Et même les cotisations, il faut appeler ça salaire différé. C'est notre salaire. Quand vous allez aux États-Unis, le smicard, on lui dit, tu gagnes 1900 euros. Parce qu'on lui verse 1900 euros. À toi de te démerder pour prendre ton assurance santé et de payer ton fonds de pension pour ta retraite. Comme c'est dur de vivre avec 1900 euros, ben les gens ne prennent pas d'assurance santé. Je peux vous dire, j'ai ma frangine qui est partie aux États-Unis. Babacool a 20 ans, elle est restée Babacool, elle est à San Francisco, là pour payer les études de sa fille à 50 balais, elle a arrêté son assurance santé. Elle avait des calculs rénaux, c'est moi qui l'ai soignée en France. Là, elle a repris une assurance santé, mais une assurance santé bas de gamme. Il a fallu qu'elle ait une lithotripsie, vous savez, les ultrasons là pour détruire les cailloux. Et en ambulatoire, 17 000 $, et son assurance lui a remboursé 11 000 $. Donc vous allez vous faire soigner quand vous avez économisé suffisamment de pognon pour payer. Et le résultat, il est clair. L'espérance de vie aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis, puisque on vient d'avoir l'information il y a 15 jours, l'espérance de vie en Grande-Bretagne a diminué. C'est-à-dire quand on détruit le système de santé comme c'est le cas en Grande-Bretagne, et qu'on a un système de santé de merde comme aux États-Unis, l'espérance de vie diminue. Donc vous voyez, pour le débat des retraites qu'on va avoir là, si on détruit le système de santé, mon cul, la dette qu'on va aller chercher à nos enfants. Parce que l'espérance de vie, elle va pas continuer à augmenter. Ensuite, il n'y a pas assez de médecins et on est obligé de fermer les hôpitaux parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Foutaise. Aujourd'hui, M. Macron lui dit supprime le numerus clausus. Il supprime le concours. Il ne dit pas combien de médecins en plus il va former. Bon, aujourd'hui, quand on dit 12 000, c'est pourquoi ? Parce que 25% des nouveaux médecins qui arrivent aujourd'hui en France ont eu leur diplôme à l'étranger. Et parmi ces 25%, vous avez des jeunes Français qui, quand les parents peuvent le payer, vont faire leurs études à l'étranger. Donc, on forme aujourd'hui 8 000 et quelques médecins, plus 25%, et puis un petit peu de marge, ben ça fait 12 000. Et puis surtout, aujourd'hui, dans les régions, pour répondre aux besoins, on peut réguler le choix des spécialités et les postes prioritaires en 6e année, quand les gens choisissent leur spécialité. Mais nous, nos propositions aujourd'hui est de dire la chose suivante. On expertise les besoins dans une région aussi, c'est Nancy et puis Strasbourg. En fonction des besoins, il faut maintenir une maternité à tel endroit, on a 24 gynécos. Eh bien, on ouvre des postes spécifiquement pour la gynéco, ils ne sont pas ouverts autrement, si les gens restent dans la région, et vont les postes prioritaires. Alors c'est donnant-donnant, c'est une contrainte. Eh bien, s'ils choisissent cette spécialité et qu'ils signent le contrat, ils ont une rémunération supplémentaire, un certain nombre d'avantages, pendant leurs 4 ans de formation d'interne, et pendant leurs 5 premières années d'exercice, ils ont aussi un bonus. Vous voyez ? Et bien c'est contractualisé, on n'oblige pas les gens, vous voyez, à aller faire un service sanitaire au fin fond de la Creuse. Ici, c'est donnant-donnant. et on peut réguler finement aujourd'hui les besoins dans les régions immédiatement. Et si on ouvre le numerus clausus, eh bien dans 10 ans, on aura plus de médecins. Si on ne fait rien aujourd'hui, c'est catastrophique. Hein, parce que quand M. Macron dit, moi je suis urgentiste, hein, on va diminuer le passage aux urgences si on fait mieux travailler les généralistes. Mais attendez, moi, on est tous dans la même merde. Les généralistes, leur nombre diminue, il va continuer à diminuer jusqu'en 2025. Donc, voilà. Et la question, c'est comment on fait pour qu'ils soient au bon endroit et qu'on travaille ensemble et qu'on dégage du temps médical avec les éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Et puis surtout, pourquoi les centres de santé? Parce que dans un centre de santé, vous allez voir votre médecin, il y a besoin d'une prise de sang, vous passez à côté, il y a l'infirmière, elle fait la prise de sang. Et le tube, il va où? Au laboratoire, à l'hôpital. Et voilà, donc c'est pertinent. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens viennent aux urgences? Parce qu'ils n'ont pas de médecin. Mais même quand ils ont un médecin, il faut qu'il soit disponible. Et même s'il est disponible, le médecin tout seul dans son cabinet, il va vous dire, il faut faire la prise de sang, il faut prendre rendez-vous au laboratoire d'analyse médicale, il faut faire une radio, il faut trouver un cabinet de radio qui va bien vous prendre sans dépassement de l'horaire. Vous venez aux urgences, même si vous attendez 6 heures, vous avez tout sur place. Il n'y a rien, vous êtes rassuré pour rentrer à la maison. S'il y a quelque chose, vous êtes hospitalisé. Et quand vous êtes aux urgences, pourquoi il y a aux urgences? Parce qu'il y a tout. Donc si vous n'avez pas un centre de santé où il y a tout sur place, hein, il y a tout, on peut vous prendre en charge. Correctement, eh bien, vous continuerez à venir aux urgences. Vous voyez, donc tout ce qu'on propose, ça répond à un certain nombre de problématiques qui sont vécues douloureusement par les patients et leurs familles. Donc voilà, donc je voudrais juste terminer sur le lien, parce qu'on est cohérent, avec les EHPAD. Parce que si on écoute M. Macron, en fait, ces hôpitaux de proximité, ce sera les EHPAD. Avec peut-être une consultation d'urgence ouverte jusqu'à 20h. Ça, ça va pas, non. L'hôpital de proximité, comme tu l'as dit, Denis, c'est un service d'urgence avec un service de médecine, de la chirurgie plutôt ambulatoire. Je ne vois pas pourquoi on fermerait les blocs opératoires dans les petits hôpitaux alors qu'on veut développer la chirurgie ambulatoire et on maintient la chirurgie ambulatoire dans les petites cliniques. Vous voyez, les cliniques qui font essentiellement la chirurgie ambulatoire, elles ont la même taille que les hôpitaux qu'on ferme. Et puis une maternité, parce que concentrer les accouchements dans les grandes maternités, c'est pas source de sécurité. Hein. La plus grande maternité à Paris, on a eu 2 accouchements qui ont été médiatisés un petit peu, mais il y a eu beaucoup d'accidents. Vous voyez, tellement les sages-femmes sont débordées, il y a une femme qui était dans une pièce, qui ne parlait pas bien français, qui a accouché toute seule, le bébé est tombé par terre. Okay. Et une deuxième fois, c'est une femme qui vient 2 fois en fin de grossesse. N'importe quel soignant sait qu'en fin de grossesse, quand vous avez de la fièvre, vous vous hospitalisez, elle a été envoyée chez elle. La 3e fois, quand elle est revenue, le bébé était mort. Voilà. Maternité, top du top, Port-Royal à Paris, 6500 accouchements par an. Donc, Big n'est pas beautiful, parce qu'aujourd'hui, on a des données françaises et internationales publiées. Les grandes structures, on a des gains d'efficacité jusqu'à un certain niveau. Au-delà d'un certain niveau, les grandes structures dysfonctionnent. Et quand elles dysfonctionnent, vous avez une surmortalité, tout patient confondu, de 9%, et pour les pathologies les plus graves, de 30%. D'accord? Ok. Donc, il faut maintenir une gradation, et donc, c'est pas l'hôpital de proximité comme le veut M. Macron. Par contre, dans les EHPAD qui sont isolés, c'est là où on va mettre le centre de santé. Il n'y a pas besoin, vous voyez, on a toujours des locaux. Bien sûr, les centres de santé dans les EHPAD, le problème de la prise en charge médicale des patients dans les EHPAD, il est réglé. Le médecin, il fait et le centre de santé et l'EHPAD. Et les revendications pour les EHPAD, je termine là-dessus, pourquoi 200 000 emplois? Ben c'est parce que on se compare juste au taux d'encadrement de pays qui ne sont pas très loin d'ici. Vous voyez, on ne monte pas la lune. On a pris un tel retard qu'il faut créer 200 000 emplois. Et ce qu'on demande immédiatement, pour éviter que les personnes âgées soient évacuées de manière très brutale sur l'hôpital, dès qu'il y a le moindre problème, parce que les pauvres collègues aides-soignantes, qu'est-ce que vous voulez, même en faisant du glissement de tâches, elles ne peuvent pas tout faire dans les pattes. Donc les gens arrivent aux urgences dans des conditions inhumaines, lamentables, où elles n'ont rien à faire. Donc il faut une infirmière H24 et il faut des médecins prescripteurs salariés dans les EHPAD. Voilà, c'est ça la revendication qu'on a aujourd'hui. Donc, vous voyez, les revendications ne montent pas. Nous, on a la réforme CGT, vous savez, vous allez sur le site confédéral, vous avez plein dans l'onglet protection sociale, il y a 24 pages qui décrivent tout ça. La question, c'est de le mettre en œuvre au niveau revendicatif sur le terrain, mais pas que nous, professionnels de santé. C'est une question qui concerne toute la CGT et qui est une question qui est sur une revendication de la CGT, c'est quel projet de société pour demain. Voilà. Donc dans les territoires, il faut mobiliser avec l'Interpro, il faut s'appuyer sur nos camarades retraités, parce qu'ils sont très revendicatifs sur ces questions, parce qu'ils le vivent douloureusement, avec la population et avec les élus. Les élus locaux, quand vous les mettez sous pression, ils réagissent. Hein. Regardez là ce qui s'est passé en quelques jours pour la fermeture de la maternité du Blanc. Les élus locaux, et personne ne donne sa couleur politique hein, parce qu'ils sont un petit peu emmerdés. Ils ont décroché le portrait de Macron des mairies, ils sont allés l'accrocher sur les grilles de la sous-préfecture. Vous voyez, donc on n'est pas tout seul à se battre. Donc moi je pense que l'avenir est à nous si on est en capacité de remotiver nos collègues à partir de nos revendications. Parce que nos revendications, c'est quoi? C'est maintenir les emplois, plus d'emplois demain, pour mieux travailler. Donc c'est quoi les revendications pour tous les salariés? Et puis en plus, si on met ça sur la place publique et qu'on crée des mouvements avec la population, avec les élus, on peut inverser la machine, et c'est essentiel d'inverser la machine, parce que, vous avez vu, je vais donner, c'est que si on ne gagne pas idéologiquement, c'est la société ultralibérale qui se profile et pas dans le monde de la santé. Donc on a intérêt, effectivement, on a travaillé sur le revendicatif, à saisir massivement ces revendications, à les traduire concrètement dans les territoires, et dans ce cas-là, on peut effectivement voir l'avenir plus en rose que ce que nous proposent M. Macron et Mme Buzyn. Étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes, ils étaient vieux avant d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse, laisse au visage un teint de cendre. Ou notre monsieur, ou notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Ou notre bon maître, ou notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'honneur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, ou notre bon maître, couvert de prêtres, ou notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler de l'Union Européenne, parce que dans cette campagne présidentielle il y a beaucoup plus de critiques de l'Union Européenne que d'habitude, et du coup on entend plein de débats assez passionnés qui viennent de tous les côtés, et nous, dans cette vidéo, on avait envie de très tranquillement, sans trancher le débat parce que c'est un truc très très vaste, très tranquillement aborder quelques idées reçues qui sont importantes et surtout très souvent reprises par les médias. La première idée, c'est que l'Union Européenne, c'est la paix. Alors ça, on voit ça partout, dans les articles de presse, à la télé, dans la bouche des hommes politiques, et même en cours de CJS ou d'histoire-géographie. Et ça, c'est amusant, parce que ça sous-entend que si on sort de l'Union Européenne, s'il n'y a pas d'Union Européenne, eh ben il y a immédiatement la guerre entre les nations. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe, à part les Balkans d'ailleurs, c'était chaud pour eux, depuis 1945. Mais il n'y a pas eu de guerre non plus entre la France et les États-Unis, ou les États-Unis et le Canada. En fait, il n'y a pas eu de guerre entre tous les pays développés. Et les deux grands facteurs qui expliquent ça, c'est d'abord la guerre froide entre les deux mammouths URSS et États-Unis et la dissuasion nucléaire au milieu. Et les historiens, ils appellent ça la longue paix, et ça concerne vraiment tout le bloc des grands pays développés, qui se sont pas battus parce qu'ils avaient d'autres intérêts, qu'ils étaient occupés à autre chose. Et il y a aussi un autre facteur, c'est l'intégration commerciale. Et là, ça nous amène à la deuxième idée reçue. On pense souvent que le choix, l'alternative, c'est ou l'Union Européenne comme elle est, ou des nations forteresses avec des barricades repliées et plus rien qui passe. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait. Les économies européennes sont intégrées, il y a énormément d'échanges entre tous les partenaires. Et il y a plein d'échanges aussi avec la Norvège ou la Suisse qui sont pas dans l'Union Européenne, mais sont un peu à la carte dans l'espace économique européen. Et si vous voulez vraiment vous rassurer sur les nations barricades, regardez ce qui se passe avec le Brexit. Ils sont en train de négocier leur exit, et donc il va continuer à y avoir des rapports commerciaux. Donc si on doit réfléchir à l'Union Européenne, faut vraiment pas penser binairement entre Union Européenne d'un côté et nation forteresse barricadée en mode Corée du Nord. Il y aura toujours des rapports commerciaux parce que c'est comme ça que nos économies fonctionnent. La troisième idée reçue, ce serait que l'Union Européenne, c'est la coopération, c'est-à-dire une belle institution chargée d'organiser l'entraide entre les pays. Alors c'est vrai qu'il y a la politique agricole commune et plusieurs autres politiques de coopération, et ça concerne parfois des milliards d'euros qui transitent chaque année entre chaque pays, donc c'est important, c'est vrai qu'il y a ça. Mais par contre, il y a plein d'autres grands projets de coopération industrielle qui sont des trucs dont l'Europe est fière, qui ne doivent rien du tout à l'Union Européenne. Airbus, le CERN à Genève, le laboratoire sur l'énergie, machin, tout ça c'est fait en dehors complètement de l'Union Européenne, dans des collaborations entre États. Donc on voit que les coopérations peuvent prendre différents visages, et puis, en ce moment, surtout depuis le traité de Maastricht et l'entrée en vigueur de l'euro, à quoi on assiste ? On assiste plutôt à une compétition entre les États membres, une compétition fiscale ou sociale, où on voit des dumpings, c'est un peu un jeu, à qui taxe moins, qui a le coût du travail plus faible et la plus faible protection des travailleurs pour ravir des marchés. Donc on voit que l'Union Européenne n'organise pas toujours la coopération et même parfois, surtout en ce moment, bien plutôt l'opposition entre chacun des États. Et si vous voulez comprendre jusqu'où va parfois le manque de solidarité entre les pays européens, mais repensons à la Grèce depuis la fin de la crise financière. Elle se fait acculer par les marchés, elle fait cure d'austérité sur cure d'austérité, alors que tout le monde le dit, même le FMI, sa dette est irremboursable et elle devrait mériter un peu de solidarité, parce que les Grecs, ils ont plus de retraite, ils doivent habiter chez leurs vieux, le taux de suicide augmente, ils vivent vraiment une situation intenable. Donc on voit que là, l'Europe actuelle, c'est pas toujours de la solidarité et de la coopération. La dernière idée reçue, c'est que l'euro, c'est une chance pour l'Europe, parce que ça nous a été vendu comme la manière d'être fort en tant que continent pour peser dans la mondialisation et arracher une grande croissance et des emplois, mais en fait, la réalité est tout autre. Et le premier fait à avoir bien en tête, et c'est un fait incontestable, tout le monde s'appuie là-dessus, c'est que entre 2007 et maintenant, il y a une différence de croissance colossale entre toute la zone euro et les États-Unis. Là, on vous met un graphique où vous pouvez voir l'écart, c'est énorme. Et d'où vient cet écart? Faisons un peu d'histoire et rappelons-nous que pour que l'Allemagne accepte le deal de l'euro, elle a négocié un traité bien serré qui est le traité de Maastricht. Et ça propose des critères de stabilité et de convergence entre les économies. Et ces trucs-là empêchent l'État de prendre certaines mesures de politique économique. Par exemple, ça l'oblige à avoir un déficit public très bas. Et ça, en temps normal, quand la croissance va bien, tout est cool. Mais quand il y a une crise économique et quand l'économie se ralentit, c'est un énorme problème. Parce que l'État peut pas remettre du jus et relancer son économie en créant du déficit. déficit. Et donc, si l'État ne peut pas se sauver lui-même, et que en même temps, dans la monnaie unique, il n'y a pas de mécanisme de solidarité qui font que l'Allemagne va aider la Grèce ou l'Italie, si t'as ni l'un ni l'autre, eh ben, l'économie se casse la gueule. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir des économies qui sont en train de se séparer de plus en plus, avec une Allemagne avec une énorme croissance et peu de chômage, et plein de pays du Sud dans la merde. Et c'est ça, un des gros problèmes de la zone euro qui crée les tensions politiques qu'on voit maintenant. Bon bah voilà, c'était nos quelques réflexions sur ces idées reçues qui tournent beaucoup en ce moment et qu'on voit un peu partout. N'hésitez pas à faire passer le message, à taguer vos potes s'il y a besoin. Et nous, on se revoit très vite parce que dimanche nous arrive en pleine poire et faut qu'on soit là. Ciao les copains! Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse. Incapable de gagner son pain, voilà le type du vrai gandin. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres. Tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or, elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites d'ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment, pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs. Une expo rend hommage au goumier, au Val d'Ajol. Fin 1944, les combats dans les Vosges pour chasser l'occupant ont fait rage. Le général Delattre de Tassigny avait surnommé le Val d'Ajol le Petit Maroc. Les goumiers marocains trouvaient quelques heures de repos dans le village et étaient accueillis dans les familles ajolaises. Ils en profitaient pour se faire photographier de pied en cap pour montrer à leurs familles qu'ils n'étaient pas blessés ou amputés. Une exposition va présenter ce passé peu connu du 6 au 15 novembre de 14h à 18h. Il y aura des photos, dont celle de l'ajolé Léo Duru, mais aussi des sculptures, de l'artisanat, des collages seront présentés. Les goums étaient des unités constituées en quasi-totalité, de Marocains qui ont combattu en Afrique du Nord, en Italie et lors de la campagne française de libération. Ce que l'on sait moins, c'est que des Vosgiens se sont engagés dans ces unités. Ainsi, Bernard Verdun, habitant du Val d'Ajol, a appartenu à tout juste 20 ans au 3e GTM, c'est-à-dire groupe de tabord marocain. 17e tabord, 22e goum, qui a libéré l'Alsace, puis participé à l'occupation de l'Allemagne. Le docteur Jean-Marie Scotton, qui exerce à Épinal, préside la section des marches de l'Est de la Coumia. C'est le fils de Mario Scotton qui s'est lui aussi engagé dans les Goumiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors la conférence, il y aura une conférence animée par Jean-Marie Scotton le 9 novembre à 20h à la salle des fêtes. Donc, conférence animée par Jean-Marie Scotton le 9 novembre à 20h à la salle des fêtes. Racines de Bruyère à l'œuvre. De nombreux documents seront visibles à Docelles dans le cadre de l'exposition organisée à Docelles du 3 au 11 novembre pour le 100e anniversaire de la fin de la guerre. L'association Racines de Bruyère et sa région, présidée par Christian Bourion, participe à l'événement en présentant son exposition intitulée « Bruyère, ville sanitaire pendant la guerre 14-18 ». Une série de 12 panneaux agrémentés de reproductions de cartes postales anciennes et de documents anciens sera installée à la salle multi-activité. Les visiteurs pourront découvrir plusieurs thématiques, les moyens de transport des blessés, le personnel soignant, l'arrivée des convois de blessés à la gare, l'hôpital mixte civil et militaire et ses annexes, sans oublier des objets utilisés pendant la Grande Guerre pour le traitement des blessés. Nous avons été sollicités par le maire et conseiller départemental Christian Tarantola pour participer à cette exposition qui bénéficie du label pour le centenaire, confie Christian Bourion, qui prépare également une exposition sur les casernes dans la cité de Lavizon, visible prochainement à la salle des fêtes de Bruyère. Asie, diplomatie. Édouard Philippe au Vietnam. Mémoire de guerre et contrat. Un premier ministre français à Dien Bien Phu. Une scène assez rare pour être soulignée. Quand Emmanuel Macron s'est déjà rendu à de nombreuses reprises saisi de la mémoire douloureuse de la guerre d'Algérie, Édouard Philippe, qui se rend à Dien Bien Phu samedi, a souhaité faire, selon son entourage, ce geste important venant d'une génération qui n'a pas connu les guerres de décolonisation. Le pays communiste est devenu une puissance émergente de 95 millions d'habitants, qui, comme son grand voisin chinois, affiche des taux de croissance de près de 7%. Nouveau partenaire, avec une part de marché de moins de 1% des échanges commerciaux vietnamiens, la France veut davantage positionner ses entreprises au Vietnam. Le but de cette visite sera de concrétiser des accords commerciaux, même s'ils ne seront pas tous fermes, précise Matignon. Il devrait porter sur l'aéronautique, les biens de consommation ou encore l'agroalimentaire. Une cérémonie de signature d'accord est prévue ce vendredi après-midi entre Édouard Philippe et son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, avant un entretien avec le président Nguyen Phu Trong. Le contexte est favorable, s'il n'exclut pas d'y revenir, les États-Unis de Donald Trump ont quitté le traité commercial transpacifique TPP. Le Vietnam, en discussion avancée avec l'Union européenne pour un accord de libre-échange, cherche de nouveaux partenaires. Hanoï est également dans une phase de rapprochement avec les puissances occidentales, même si la Chine communiste reste son partenaire incontournable. Au matin du 1er novembre, la plus grande statue du monde inaugurée sous haute sécurité. Le chef de gouvernement indien, Narendra Modi, a officiellement inauguré en personne la statue de l'unité, entre guillemets statue de l'unité, qui culmine au-dessus d'une rizière dans une région reculée de Gujarat, à l'ouest de l'Inde. L'édifice de bronze, de béton et d'acier mesure au total 182 mètres de haut. Vous entendez bien, 182 mètres de haut, et représente Sardar Vallabhbhai Patel, l'une des figures de l'indépendance du pays, et érigée en modèle par le parti au pouvoir. L'édifice, qui a coûté l'équivalent de 358 millions d'euros, fait cependant face à une fronde des communautés tribales locales. Dénonçant son caractère dispendieux et son impact sur l'environnement, elles avaient menacé de perturber l'inauguration par des manifestations. Les autorités indiennes ont tenu à garantir le bon déroulement des cérémonies. Donc les manifestants ont été tenus à distance par la force, bien sûr. Alors, Pakistan, les islamistes furieux de l'acquittement d'une chrétienne.

1er novembre 2018. Santé, malformation, bébé mal formé, la défiance des parents à l'égard des autorités. Les familles des bébés nés sans bras fustigent la communication des pouvoirs publics. La ministre de la Santé assure que tout est mis en œuvre pour comprendre le phénomène. Communication ridicule. Fustigeant une communication ridicule qui effraye tout le monde, Madame Thémence Grassin dit y voir de la manipulation d'opinion, une volonté de faire taire le Remera, qui est le seul registre indépendant. L'ensemble des familles de Guidel et de Lain sont méfiantes vis-à-vis des autorités sanitaires. Histoire. Des fouilles archéologiques ont lieu avant des travaux de restauration au Struthof, seul camp de concentration aménagé par les nazis en France en 1941, à quelques kilomètres de la Lorraine. Un travail de mémoire. 52 000, c'est le nombre de prisonniers au camp de Natzweiler-Struthof pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaîne opératoire de la mort de masse, à deux pas d'anciens bâtiments où des milliers de victimes de 32 nationalités différentes, transitèrent avant la chambre à gaz, trône toujours une potence avec sa corde, visible plusieurs centaines de mètres à la ronde. L'ensemble du site et des bâtiments ne bénéficient de la protection du classement en monument historique que depuis 2011. C'est à visiter absolument le camp de concentration du Struthof. C'est pas très loin d'ici. Et évidemment, on n'en sort pas indemne. Hein. Celui qui a visité ça, il n'est plus le même après qu'avant. On est obligé de comprendre un certain nombre de choses concernant le nazisme, le fascisme en général, et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc, au moment d'aller voter, ben, faut penser à toutes ces choses-là aussi. Et puis, pas seulement au moment des votes, bien sûr, mais surtout au moment du vote. L'Alsace se mue en super département. C'était le mardi 30 octobre 2018. Bye bye, Bas-Rhin et Haut-Rhin. Bonjour, la collectivité européenne d'Alsace. Outre l'émission d'un département, elle sera enrichie de compétences supplémentaires. En 2021, annoncé Matignon ce lundi. Gouvernement et élus alsaciens se sont mis d'accord hier soir lundi à Matignon en vue de la création d'une collectivité européenne d'Alsace, entre guillemets, collectivité européenne d'Alsace. Il convient de peser chacun des mots qui composent cette expression. Aux compétences renforcées à l'horizon 2021. Compétences renforcées à l'horizon 2021. À la place des actuels départements alsaciens, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. La collectivité sera, entre guillemets, enrichi de compétences supplémentaires et particulières, notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d'attractivité du territoire, de transport et de culture. Selon une déclaration commune adoptée lors de la réunion, mais malgré ce statut de super-département, l'Alsace restera au sein de la grande région, de la région Grand Est, comme l'exigeait le président Macron. Le président Macron, il l'exige. Bon, alors donc, ça veut dire que l'Alsace ne deviendra pas une sorte de province européenne, voilà, les départements qui avaient été créés par la Révolution en 1789-90 ne vont pas disparaître, non. On ne va pas créer des régions européenne, par exemple, on ne va pas créer une région qui engloberait la Westphalie, par exemple, le Rhineland-Pfalz, Elsass, hein, Unzerweiter. Non, il y a pas, non, il y a pas de danger. Non, on ne remet pas en cause. Louis XIV, qui a conquis l'Alsace, qui en a fait une province française, n'est pas du tout remis en cause, pas plus que les soldats de la guerre de 14, ni ceux de 39-45, ils ne se sont pas fait tuer pour rien. Bien sûr que non. Nos gouvernants ne feraient pas des choses pareilles, bien entendu. Hôpitaux, santé, le plan de performance débattu le 5 novembre. L'Agence régionale de santé a publié lundi soir un communiqué dans lequel elle indique avoir organisé la semaine dernière un temps d'échange, entre guillemets, temps d'échange, avec les membres du comité de pilotage des hôpitaux d'Épinal et Remiremont. Ce temps d'échange a consisté à rencontrer individuellement les élus spinaliens et romarimontains, les députés Viry et Neguelen, ainsi que François Vanson, mais aussi les présidents des commissions médicales, les docteurs Lalot et Chamas, ainsi que les deux présidents du conseil de surveillance, les maires Michel Heinrich et Jean Ingré. À ceux-ci, un projet de contrat de performance était présenté, ou plutôt la méthodologie permettant à l'ARS de parvenir à un rétablissement financier, un redressement financier, pardon, des deux établissements d'ici 2022. Un redressement qui reposera sur un seul principe, faire des économies.